To be or not to be, not to be. Pour moi, les jeux vidéo se définissent ainsi. Il y a les jeux de plateforme où tu incarnes un personnage particulièrement agile qui doit éviter des obstacles et des choses trappes. Hein, si la vie était un jeu de plateforme, par exemple, Carlos Ghosn ferait un bon Super Mario. Disparaître dans un tuyau, ça me semble pas plus bizarre que s'enfuir dans une malle. Il y a les beat'em up, ces jeux de combat à progression latérale où on incarne en général un surhomme qui maltraite des hordes de bandits qui ont très mal choisi leurs orientations scolaires. En ce moment, si vous regardez une manifestation assis sur un banc, vous avez une belle définition de ce qu'est un beat'em up. Et enfin, il y a le survival horror où en général, vous incarnez un personnage qui manque de tout. Imaginez un étudiant qui vit à Paris avec sa bourse. Le principe du survival, c'est manquer de munitions, manquer de trousses de soins, manquer de clés, manquer d'abri, quand il ne manque pas tout simplement de souplesse. Il n'est pas rare, quand on joue à un survival horror, d'être coincé par un ennemi aussi retors qu'une caisse ou une grille. L'intérêt de ce type de jeu, c'est d'être plongé dans un environnement où l'on est désavantagé. De cet handicap naît la peur, et de cette peur naît l'intérêt. Alors vous allez me dire, mais justement, quel est l'intérêt de se faire peur exprès ? Eh bien le problème de la peur, c'est qu'elle surgit toujours quand on s'y attend le moins. Donc comment voulez-vous qu'on s'y prépare si on ne s'y entraîne jamais ? France Inter. Blockbuster. Juste ici, ça va. Frédéric Siglis. What the hell? How could this many people be infected? This city is completely cut off, isolated. Don't look at me like that, all right? I'm not an infected. We've got to be dreaming. Si le cinéma a fait naître le genre du film de zombie, ces dernières années, aucun autre média que le jeu vidéo n'a usé et même abusé de la figure du zombie. C'est bien simple, faites disparaître les zombies et c'est tout un pan de l'industrie du jeu vidéo qui périclite. Que l'on se batte contre des zombies ou même qu'on en incarne un, le jeu vidéo est devenu le média refuge des non-morts. Dead Island, Dead Rising, Dead Space, Dying Light ou Left 4 Dead, on trouve plus de morts dans un catalogue Micromania que chez Rock Éclair. Mais au fond, est-ce surprenant pour un média qui a pour principe de base de faire mourir le joueur pour mieux pouvoir le faire recommencer ? Être un zombie, est-ce que c'est pas ça la vraie finalité du gamer ? Pour en débattre, j'ai avec moi, bien évidemment, Dedo. Bonsoir, bonjour, Dedo. Bonjour, je ne sais plus quel est votre espace-temps. C'est celui de l'auditeur. Eh ben, très bien, alors enchanté et bonne sieste. Ah, Dedo, hein, je le rappelle, tu es humoriste, actuellement en tournée de rodage de ton troisième spectacle, ainsi qu'avec un premier projet musical, Princesse Leia. Tu as tout dit. Avec nous également, mon comparse, mon camarade, Olivier Bénis. Voilà, qui est un autre zombie, hein, une autre forme de zombie de retour après quelques semaines. Voilà. Salut Frédéric, ça va ? Très content d'être là. Ouais. Bon, bah moi aussi, journaliste à la rédaction web de France Inter et auteur de la chronique, fabuleuse chronique, La faute aux jeux vidéo. Sur laquelle vous êtes passé, il me semble. Oui, oui, exactement. C'est tout, hein. Qu'est-ce que c'est tout ? Ah oui. Avec nous également, Carole Quintaine, bonjour. Bonjour Fred, comment mais ça on, va mais on, très bien, on est ravis de vous avoir avec nous autour de cette table. Donc, créatrice de contenu jeux vidéo sur YouTube et spécialiste particulièrement du survival horror. Absolument, j'ai déjà peur là. Et enfin, Samuel Cohen, bonjour. Salutations. Alors, jeune comédien passionné qui se lance dans le doublage et gamer confirmé. Tout à fait. Alors, ensemble, on va explorer la galaxie du survival horror, comprendre les mécanismes de ce genre et surtout son intérêt. On parlera de nos coups de cœur, mais aussi de nos coups de gueule qui ont émaillé l'histoire du jeu vidéo et ce genre en particulier. Bref, on tentera de vous faire comprendre pourquoi il ne faut surtout pas allumer la lumière ou ouvrir les volets si votre fils ou votre fille est en train de jouer à un survival horror. Allez, blockbuster, zombies et jeux vidéo, let's play. Signalez tout acte anormal. Barricadez-vous. Évitez tout contact avec les infectés. Attendez les instructions. Mon cul, oui. Butez tous ces fils de pute. C'est ça, mes instructions. Oh, man. été se foutre dans une sacrée merde. C'était un extrait de la bande-annonce de Left 4 Dead 2, un survival horror. Et justement, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'un survival horror ? Olivier Bénis. Ah ben, je crois que vous l'avez pas trop mal défini au début de cette émission. C'est un jeu en fait qui va vous mettre en position de faiblesse face à une menace, généralement des zombies, puisque c'est avec le zombie qui est plus ou moins né le genre, donc avec Resident Evil à l'époque, le tout premier en 96. Et donc c'est un jeu qui va vous mettre dans la position d'un pauvre être humain, généralement pas surarmé ou en tout cas sous-armé, qui va devoir affronter une menace qui, elle, est particulièrement importante, grandissante, et qui ne meurt jamais, qui revient sans cesse et qui est souvent en très très grand nombre, puisque au fur et à mesure avec l'évolution des technologies, plus on est allé loin dans les consoles les plus puissantes, et plus on a pu représenter des dizaines, puis des centaines, puis des milliers de zombies à l'écran, ce qui fait toujours une espèce de vague inquiétante qui vous fonce dessus et qui essaie de vous tuer. Voilà, le survival horror, c'est ça, c'est se sentir en position de faiblesse. Alors, on sait que le jeu vidéo s'est développé assez rapidement avec le jeu de plateforme, avec des mascottes telles que Mario, Sonic, le jeu de combat. Mais est-ce qu'assez tôt dans l'histoire du jeu vidéo, on a pu voir apparaître des premiers survival horror marquants ? Ah oui, absolument, absolument, avec Alone in the Dark. D'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, hein, Frédéric Reynal, qui est un petit peu le père du survival horror, finalement, hein, en France, puisque c'est grâce à lui que Shinji Mikami, donc le père de Resident Evil, a créé la série Resident telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce serait absolument pas la même. Il a été inspiré, il a mis du temps à l'avouer. C'est en quittant Capcom, quand il a créé Tango Gameworks, donc son nouveau studio, qu'il a lancé la licence The Evil Within, qu'il a reconnu que Frédéric Reynal, avec son Alone in the Dark, l'avait fortement inspiré. C'est donc un genre français, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ouais. Tout à fait. Oui, mais ce qui est d'ailleurs intéressant, c'est que dans un précédent podcast fait sur les zombies et le cinéma, on a appris que le premier film d'horreur de zombies était lui aussi, avait pour origine la France. Donc il semblerait que en France, plus qu'ailleurs, on aime particulièrement faire peur, soit par le jeu vidéo, soit par le cinéma. Oui, soit par les mesures gouvernementales, mais c'est un autre débat. Absolument. Et alors, en termes de rencontres, vous, en tant que gamer, à quel moment, quel est le premier survival horror que vous avez rencontré, Samuel ? Alors, vous allez trouver ça très bizarre, mais la première fois que j'ai eu vraiment très peur dans un jeu vidéo et que j'ai dû survivre, c'est un jeu français encore. Rayman 3. Pourquoi? Rayman 3, c'est un jeu d'Ubisoft, en fait. C'est un jeu d'Ubisoft qui est assez féerique, qui a beaucoup d'humour, avec vraiment un bon truc français, belge, etc. Et en fait, il y a le cinquième monde, ça s'appelle le désert des Knarren. Et le désert des Knarren, en fait, à partir de ce moment-là, on sait que le jeu ne rigole plus. Alors qu'on était dans des paysages féeriques, on arrive dans un désert qui veut notre mort. On ne peut pas marcher sur le sable, on est obligé d'aller dans les grottes. Et qu'est-ce qu'on rencontre dans ces grottes? Les Knarren. Et les Knarren, tout souvent dans les jeux vidéo, on peut buter tout ce qui est à notre portée. Les Knarren sont invulnérables. Ils se protègent et nous pourchassent sans cesse avec une voix terrifiante qui dit « Je vais te retourner comme un gant. Ton cerveau on m'a dit bien ça meilleur dans certaines avec soirées, du sel. » J'ai pas aimé. Non. Et c'est terrifiant en fait. C'est la première fois dans ce jeu où on est obligé de s'enfuir. Nos amis ne sont pas là pour nous aider. Et j'avais tellement peur avec ces répliques que je devais couper le son. Délivrant. Donc ok, donc Rayman 3, ouais. Premier survival horror pour Samuel Cohen. C'est ça. Eh ben, j'ai pas vu venir. C'est inattendu. Ah mais croyez-moi, jouez au jeu, voyez des extraits sur YouTube, c'est terrifiant. Dedo. Alors moi j'ai 40 piges, du coup j'ai des références un peu plus lointaines pour certains, mais j'avais un Amstrad 464. Hein, donc j'ai un souvenir d'un jeu qui s'appelait Cauldron, où donc t'incarnais une sorcière et le personnage principal était une citrouille. Tu devais survivre justement dans une sorte d'immense manoir et la peur venait déjà de l'environnement qui était assez représentatif de l'horreur en général et aussi de la maniabilité qui était terrible, qui fait que d'un coup au micro près tu pouvais tomber et mourir très très régulièrement. Mais après c'est vrai que le vrai déclencheur au travers du cinéma de genre en général a été le prisme de Resident Evil, forcément, voilà, qui est un hommage ultime à Romero et qui a créé les bases de ce qu'allait devenir ensuite le survival horror dans ses grandes lignes. Ce Resident Evil qui d'ailleurs était précédé par cette cinématique faite avec des vrais acteurs qui jouaient terriblement. C'est tellement terriblement. Pas mal, mais ça rentrait. C'était le vrai lien entre justement le cinéma et le jeu. Et je pense que cette passerelle-là, elle a été nécessaire pour que les gens appréhendent ce qu'allait devenir ensuite la peur vidéoludique. Et d'ailleurs, c'est marrant qu'on ait changé. Le jeu s'appelle Biohazard à la base au Japon et qui est beaucoup plus cohérent vu que la menace est biologique à la base et qu'on rentre dans une des figures du style du cinéma de genre et aussi du survival horror, c'est-à-dire les laboratoires. Mais je pense qu'ils se sont dit non, Biohazard, ça va pas parler aux gens ailleurs que chez nous. Donc en Europe et aux États-Unis. Ça s'est appelé Resident Evil, qui est moins cohérent, je trouve, dans le titre, mais qui est peut-être plus percutant et plus simple à vendre. Après, il y a eu des questions de droit aussi. Hein. Il me semble qu'il y avait un groupe de rock qui s'appelait Biohazard. Il ne te semble pas. Il y a effectivement un groupe de hardcore qui s'appelait Biohazard. Oui, on n'imagine pas un groupe de polka qui s'appellerait comme ça. Non, non, c'est un peu de français de pain. Mais c'est marrant ce que pénicilline, tu dis. Pénicilline, ça serait bien pour un groupe de variété française. Pénicilline. Doliprane, maintenant, c'est plus la vente libre. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, effectivement, en dehors de Alone in the Dark, donc, c'est vrai que l'élément, enfin, le moment déclencheur, ça a été aussi le premier Resident Evil. Déjà, on avait vu, c'était pas comme aujourd'hui, on voyait pas des milliards de trailers sur Internet, ça n'existait pas, on voyait que 2-3 screens sur des magazines, et j'avais une envie folle de pouvoir y jouer, et c'est vrai que quand on a découvert en 96 donc le premier Resident Evil, ces angles de caméra, les musiques, les hunters hein, qui sont des ennemis en dehors des zombies dans Resident Evil, c'était ultra nouveau comme genre finalement. Et c'est vrai qu'à l'époque en plus on était jeunes. Ouais. Je pense qu'il y a toute une génération de gamers qui sont terrorisés par les chiens qui sortent des fenêtres. Mais bien sûr, c'est ce qui a défini certains codes justement dans le jeu vidéo de survival horror, c'est que en fait à un moment des chiens surgissent d'une fenêtre sans prévenir. C'est ça. Ce qui fait qu'ensuite, vu qu'il y a des angles de caméra précalculés, dès qu'on arrive dans une pièce où on voit des fenêtres, on a une peur qui s'installe. Donc c'est exactement ce qu'il faut faire en termes de mise en scène. Moi j'ai muré mes fenêtres dans ma maison. Mais moi je fais voilà, suite à ça. Le pire avec cette scène surtout, c'est que on a beau l'avoir joué plein de fois, on peut rejouer au premier Resident Evil autant de fois, on se fait avoir à chaque fois parce qu'à chaque fois, c'est pas au moment où on l'attend, c'est toujours à une seconde avant ou une seconde après, et l'anticipation est très forte. Anecdote intéressante dans le Rebirth. Alors le Resident Evil qui a été baptisé par Joypad à l'époque, le Rebirth, celui sur GameCube, absolument en 2002, donc le remake du premier épisode qui est absolument incroyable, qui sublime le jeu, nouveau pan de scénario, nouveau lieu dans le manoir Spencer, etc. Cette scène-là, et il y en a d'autres aussi, mais cette scène-là précisément a été modifiée pour surprendre un petit peu le joueur. Ouais. C'est-à-dire que voilà, qui s'attendait tellement à voir les chiens arriver. Complètement, c'est pas au premier passage dans le couloir, c'est au second passage. C'est vrai, et ça surprend. Mais il y a des choses. Le remake donc qui a été amélioré par rapport justement à certaines scènes et évidemment graphiquement a pour moi certaines faiblesses dans le sens où je pense qu'à l'époque sur PlayStation 1 on était obligé en fait quand on changeait de pièce on voyait une porte qui s'ouvrait pour précalculer les scènes à venir. Et ça instaurait quelque chose du climat de peur justement parce qu'on se demandait tout le temps ce qu'il allait avoir derrière. Ces temps de chargement étaient supprimés dans le Rebirth et je trouve que justement ça fait perdre quelque chose en termes d'angoisse par rapport à ça. Alors et non, surtout, ils y sont. Ah c'est vrai. Ah oui, dans mon souvenir ils n'y étaient pas justement. C'est dans le remake du 2 là donc le. Ah dans le 2 ils y sont plus d'accord. En 2019, mais en tout cas j'ai pas apprécié le fait que les zombies et ça je pense pas me tromper dans mon souvenir ils se mettent à courir maintenant. C'est les effectivement c'est les. Et ça je ne suis pas d'accord. On ne change pas. Ceux qui ont la corde de Romero. On est d'accord que logiquement les zombies ça ne court pas. Non. Mais c'est quelque chose que même le cinéma a mis en place avec les zombies de 28 jours plus tard où ils tapaient des sprints plus rapidement que moi. On appelle ça de la triche. Ils courent pas vraiment. Ils courent pas vraiment. C'est les Crimson Head. Effectivement, qui se relevaient, il fallait les brûler pour pouvoir s'en débarrasser. Ils étaient un petit peu plus. Ils sont pas loin de courir, en fait. C'est plus effrayant que dans le premier original. Si tu les laisses en vie longtemps, ils se mettent à cavaler quand même, dans mon souvenir. mais ouais, ils étaient un peu plus flippants. Ouais. Mais je pense que c'est le lobby des briquets qui a voulu instaurer cette mort. Ouais. Olivier Bénis, la première rencontre avec le survival horror. Bah, c'est un peu comme tout le monde, c'est Resident Evil. Il y avait peut-être une première un petit peu avant dans les jeux qui m'ont vraiment fait peur. Il y avait un jeu qui s'appelait Darkseid à l'époque sur Amiga et PC qui était très flippant, mais c'était plus dans l'univers de Lovecraft, et c'est un peu ce qu'a fait aussi Alone in the Dark, qui était vraiment dans cet univers. Justement, c'est le jeu que moi j'aurais cité, c'est avant Resident Evil, le jeu qui a vraiment créé un climat de terreur, c'était Alone in the Dark. Mais il était terrifiant déjà à l'époque aussi. Ouais. Et puis en plus, c'était alors Resident Evil a beaucoup fait dans la progression technologique et y compris en utilisant, comme on disait avec les portes, en utilisant habilement les limites du truc, donc les temps de chargement, pour en faire un truc qui fait peur. Alone in the Dark avait vraiment ce côté révolutionnaire d'un seul coup, c'était de la 3D. Ça paraît totalement anodin aujourd'hui parce que tout est en 3D, tout peut se précalculer et tout. À l'époque, c'était une prouesse technologique incroyable. Parce que vraiment, c'était pas du tout avec les moyens d'aujourd'hui, donc ils ont vraiment bricolé ça avec 3 bouts de ficelle et c'est impressionnant ce qu'ils ont réussi à obtenir. Et voilà, et c'était hyper oppressant parce qu'il y avait donc des décors précalculés, donc des décors qui ne bougent pas, qui sont en 2D, qui sont fixes derrière. Mais le fait que le personnage, lui, soit en 3D et les ennemis aussi en 3D, ça donnait l'impression que les personnages sortaient presque de l'écran, enfin, on venait à notre rencontre et il y avait un effet de profondeur qui plongeait vraiment à l'intérieur. Et donc, Alone in the Dark était, c'était du génie à l'époque. C'était pas parfait parce que c'était encore plus rigide que ce qu'on peut avoir aujourd'hui, mais il y avait des moments dans Alone in the Dark qui étaient excellents. Mais c'est toujours dans les limitations et le bricolage qu'on qu'on se dépasse pour faire ressentir des choses au joueur, pour lui faire peur en fait. Je pense notamment au code ACE de Hollywood qui a amené l'avènement des films noirs, où les gens avec peu de budget, ils devaient vraiment faire quelque chose de prenant qui faisait peur. C'est la même chose pour les jeux vidéo. Et ça, oui, et ça marche pour le cinéma. Le budget est grand, ça ne présage rien de la qualité du film. Même Méliès, au tout départ, a dû justement user de subterfuges pour pouvoir faire croire justement à des gens que des choses extraordinaires se passaient sous leurs yeux. Alors, on va continuer de parler de zombies et de jeux vidéo, mais avant ça, on va se faire un petit plaisir. On va écouter Fear of the Dark d'Iron Maiden. Oui. J'en profite pour dire que cette émission est réalisée par Céline Hilla. Jeanne Paravert a préparé cette émission. Et à la technique aujourd'hui, Rémi Sistiaga. Fear. C'était Fear of the Dark d'Iron Maiden dans Blockbuster sur France Inter. We're shitty people, Joel. It's been that way for a long time. No, we are survivors. This is our chance. It is over, Tess. What are you so afraid of? You are treading on some mighty thin ice here. What do we do? You make every shot count. You see, I believe everything happens for a reason. We don't have to do this. You know that, right? After all we've been through, everything that I've done, can't be for nothing. Vous avez bien évidemment reconnu, si vous êtes amateur de jeux vidéo, Last of Us. Last of Us, un autre grand représentant du survival horror. Donc dans une émission consacrée aux jeux vidéo et aux zombies, on ne pouvait pas faire l'impasse sur ce qui a quand même été un des plus grands chocs vidéoludiques de ces dernières années. Absolument. Carole Quintel. Absolument, en termes d'écriture, ils sont très très bons à hein, Naughty Dog pour ça. Ils arrivent vraiment à écrire des personnages qui sont denses. Naughty Dog qui est l'éditeur qui a également fait Uncharted. Tout à fait, les Uncharted, donc The Last of Us. Et c'est vrai que, donc là l'épisode 2 arrive, hein, il arrive dans quelques mois. Et c'est vrai que dans The Last of Us, on s'attache tout de suite au personnage et cette relation entre Joël et Ellie, hein, une relation père-fille qui s'installe très rapidement. La première scène, évidemment, on ne spoilera pas, mais tu pleures du début à la fin. Je trouve que c'est encore différent qu'un Resident Evil ou qu'un Silent Hill, etc. Parce que c'est moins un jeu d'ambiance. Il y a plus de, c'est plus un jeu de survie pour moi, dans le sens où tu vas pas avoir des énigmes. C'est moins posé, si tu veux. C'est plus de l'action. Et à la fois, il y a des scènes terrifiantes, comme quand tu te retrouves dans le métro, quand t'as les claqueurs, donc ces infectés qui réagissent au son et qui sont ultra effrayants. Pareil, tu dois gérer ton inventaire, tes munitions. Et à la fois, je trouve que c'est 10 000 fois mieux écrit parce que autant Resident Evil c'est du nanar, autant là t'as une vraie qualité d'écriture, t'as une narration qui est maîtrisée. Pour moi, ça reste un monument du jeu vidéo. Ouais. Et on est vraiment à la frontière entre ce que le jeu vidéo peut faire de mieux, mais aussi des vraies séquences de cinéma. Tout à fait. Et dans la narration interne au jeu qui sont exceptionnelles. C'est pas le premier jeu à avoir fait ça, mais pour beaucoup, ça a été le premier à faire rendre compte aux joueurs que le cinéma et le jeu vidéo n'étaient pas si éloignés. Oui. Et Olivier Bénis, bon, j'imagine que Last of Us, c'est... Alors, je suis pas au point de dire que c'est un jeu. Moi, j'aime bien The Last of Us. Je suis pas totalement archi fan, mais en revanche, je trouve qu'effectivement, il a plein de qualités. Tu m'as trahi. Je savais que j'allais me faire des ennemis à ma gauche en disant ça. Non, j'aime beaucoup ce jeu, mais j'ai quelques réserves sur certains trucs. Mais je trouve qu'en fait, il a fait The Last of Us a fait au jeu vidéo ce qu'a fait notamment Robert Kirkman avec Walking Dead pour la BD ou pour le genre zombie en général. C'est-à-dire que c'est pas un jeu qui parle d'une invasion de zombies ou en l'occurrence de personnes infectées, c'est un jeu sur les conséquences. Et c'est ça qui est très très très fort dans The Last of Us, c'est que ça pourrait être la suite en fait de Resident Evil 10 ans, 20 ans plus tard. Et c'est super intéressant parce que c'est un jeu qui, à travers la figure du zombie, de l'infecté, parle profondément d'humanité, parle de société, de qu'est-ce qui fait le lien entre les gens, et aussi de comment l'homme ou la femme, enfin l'être humain en général, évolue dans un contexte comme ça, et comment il peut devenir aussi bien le meilleur que le pire. Le pire. Y compris chez même les mêmes personnages. Certains personnages sont passés du meilleur au pire. Il y a une sorte de filiation entre une série comme Breaking Bad et Last of Us quelque part, complètement, ouais. Dans ce cheminement, cette évolution, c'est ça. Sur le fait que l'invasion zombie telle qu'elle est présentée dans des jeux, donc que plus comme Resident Evil, casse quelque chose non seulement dans la société, parce que forcément ça fonctionne plus pareil, mais ça casse quelque chose dans les êtres eux-mêmes. Ça détruit quelque chose, ça détruit leur vision de l'humanité et ça change leur vision des choses. Et c'est ça qui était super intéressant dans ce jeu. Et ça c'est complètement inhérent au genre du film de zombie, parce que la plupart du temps, la menace zombie est un prétexte pour justement mettre un groupe, donc l'humanité ou un groupe plus restreint, face à des difficultés et de voir comment ils vont s'en sortir. Et ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la plupart du temps, les rôles sont inversés, c'est-à-dire que quand l'unité doit se faire justement entre les êtres humains, on se rend compte que c'est le contraire et qu'ils se divisent, et qu'au final, c'est la masse de zombies qui devient elle-même une masse unie contre l'humanité par la force des choses en voulant se nourrir. Donc c'est cette inversion-là qui est intéressante, je pense, psychologiquement et en termes de scénario et forcément de sociologie. Bah, c'était super intéressant de voir aussi, alors encore une fois, hein, sans spoiler, mais la fin du jeu qui a beaucoup fait parler, justement, parce qu'il y a, voilà, il y a ce choix qui est fait par l'un des personnages et où tu vas te dire, mais attends, mais à sa place, qu'est-ce que j'aurais fait? Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Beaucoup de gens, justement, qui ont pointé du doigt hein, certaines décisions. Et je trouve que c'est intéressant. Et qui rend d'ailleurs très risqué le fait de faire un numéro 2. Mais absolument, absolument, c'est très risqué, mais c'est aussi pour ça qu'il est aussi attendu, au-delà du talent d'écriture voilà, des développeurs de Naughty Dog. Mais c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est de se dire, on a des personnages justement qui sont humains, donc imparfaits, on n'a pas forcément des super-héros, et c'est aussi pour ça que c'est super attachant, et c'est très différent, encore une fois, d'un Resident Evil où bah, t'as des personnages qui sont moins profonds, moins bien écrits. On a aussi des personnages, on a des zombies, mais on a aussi les survivants, mais... qui sont aussi des ennemis. Donc t'es confronté non seulement aux zombies, mais à la pourriture humaine. Aussi. Oui, et puis aux expériences de laboratoires bactériologiques, de créatures hybrides qui se sont créées. Et donc ça rend compte justement à nouveau du fait que l'être humain poussé dans ses retranchements est capable du pire. Et ça montre aussi, si je peux faire un lien avec un autre jeu du coup, qui est The Walking Dead, donc l'adaptation en jeu d'aventure par Telltale. Voilà. Alors, avec quand Clémentine. Quand je dis adaptation, c'est vraiment, je trouve que c'est pas suffisamment fort pour dire ce qui a été réussi avec ce jeu, parce que faut pas le voir vraiment comme une bête adaptation de la BD. C'est quelque chose de profondément différent. Et que ce soit ce jeu-là ou The Last of Us, c'est des jeux qui prouvent que le jeu vidéo peut permettre de raconter les histoires de zombies de façon très différente, parce que dans Walking Dead, vous allez être très régulièrement confronté à des choix extrêmement difficiles, voire impossibles. C'est-à-dire que c'est souvent choisir entre, en gros, lequel de deux survivants auxquels vous êtes attaché va survivre dans les secondes qui viennent. Vous avez 10 secondes pour choisir, et ça va complètement changer ce qui va se passer dans la suite. Et c'est là, justement, que je trouve que le jeu vidéo a sa vraie force, et c'est aussi ce qui fait que le survival horror est un genre majeur, je pense, dans le jeu vidéo. C'est qu'il y a vraiment cette notion de choix et de conséquences face à des situations qui sont extrêmement difficiles, très difficiles à vivre, y compris virtuellement. Ce qui a été très bien mis en scène dans un jeu qui s'appelle Until Dawn, qui est justement un jeu interactif au maximum, dans le sens où on demande de prendre des décisions à des moments clés du jeu, et ces décisions-là vont vraiment influencer la suite de ton expérience, c'est-à-dire que tu peux perdre des protagonistes qui sont avec toi, et le fait qu'ils ne soient plus avec toi va engendrer différentes situations qui créent une arborescence très intéressante en termes de scénario derrière. Ouais, j'ai dit arborescence, je suis content. C'est ça. We thought we had escaped. Hey, wake up. Jesus. Get up. We thought we had left this godforsaken island. We were wrong. There's an infection, some sort of plague. The whole island's gone to hell. We're all in the same boat here, and as far as I can tell, this son of a bitch is sinking. You gotta be fucking kidding me. We've gone too far to give up now. C'était la bande-annonce de Dead Island, un jeu calme, apaisé, relaxant. Voilà, après une dure journée de travail, rien de plus doux que de jouer à Dead Island. Alors, on a parlé de Resident Evil, on a parlé de Last of Us, et il y a évidemment énormément de jeux qui ont marqué l'histoire du survival horror. Et là, j'ai envie de faire un rapide tour de table pour que vous me citiez le survival horror qui vous a le plus plu en dehors des deux qu'on a cités précédemment. Dedo. Eh ben, écoute, je crois que Silent Hill, sans aucun contexte possible de différenciation, parce que c'est une révolution. Keiichiro Toyama a créé un nouveau Resident, enfin un nouveau genre de survival dans le survival. Donc, en créant justement ce lien parfait pour moi entre le cinéma et le jeu vidéo, dans le sens où le sound design est très important dans le jeu. Il met en avant quand il y a une vraie menace qui se fait, on entend une sirène qui se déclenche. On a une radio avec soi qui se met à grésiller quand les ennemis sont à proximité. Donc on gère la peur sous un nouvel angle qui est très intéressant, qui est l'angle du son. Donc ça, c'est assez novateur. On joue sur les angles de caméra encore à nouveau qui sont très bien pensés, des références picturales très fortes. Encore une fois, c'est très bien vu de sa part de gérer les limites de la bécane de l'époque, c'est-à-dire que le monde est nappé de brouillard autour. Pour justement éviter d'avoir des problèmes techniques par rapport à ça et d'ouvrir sur des graphismes dont on n'aurait pas pu faire face à l'époque. Et y a vraiment des scènes hyper troublantes, dont une en particulier dont je me souviens, où le téléphone sonne et en fait un père cherche sa fille qui a disparu, avec qui il était en voiture, et en fait c'est sa fille qui l'appelle, on sait pas où elle est. Et cette scène a été hyper marquante pour moi. On y a joué avec un pote, on était à fond tout le jeu et on était tellement imprégné dans la peur qu'à un moment on s'est dit, ça se trouve à un moment dans l'écran on va nous voir, nous, avec une caméra, et là je jette par la fenêtre parce que c'est plus possible de tenir ça, quoi. Et Toyama a eu cette force de créer deux choses, ça et Forbidden Siren, qui est un autre jeu après très révolutionnaire, dans le sens où on voyait les ennemis, les Shibito étaient des sortes d'entités un peu démoniaques possédées, et on voyait à travers leurs yeux, donc ça nous permettait de repérer les angles où ils étaient et d'avoir justement une nouvelle façon d'appréhender la peur. Et c'est d'ailleurs la seule fois, de si je dis pas de bêtises, où ces deux franchises ont été adaptées au cinéma, et deux franchises de jeux vidéo de la même personne créées au cinéma, c'est quand même assez rare pour le noter. Et contrairement à Resident, c'était mieux. Et c'était bien mieux, ouais. Ouais, le Gans a énormément de qualité. Forbidden Siren aussi, l'adaptation japonaise est très intéressante. Olivier Bénis. Je voulais dire Silent Hill, donc du coup je vais dire Silent Hill 2 pour pas faire pareil. Ah, c'est bien vu, il est malin, comme ça tu peux parler de Pyramid Head. Mais comment je vais faire ? Exactement. Non, en vrai je voulais dire Silent Hill 2 parce que je trouve que c'est... Alors Silent Hill posait des bases qui étaient extrêmement fortes justement, comme tu disais, sur la gestion du brouillard, la gestion du malaise. Silent Hill 2 pousse tous les curseurs plus loin, et surtout Silent Hill 2 c'est celui qui va matérialiser tous les travers, enfin tous les pires travers de l'humanité. C'est-à-dire que le zombie en général est utilisé dans les Resident Evil et tout comme une espèce de symbolique de l'humanité qui aurait mal tourné. Silent Hill 2, ça met vraiment, en gros, enfin c'est Freud en version film d'horreur, quoi. C'est tous les travers, toutes les pires choses qui sont enfouies dans la psyché, dans la psychologie du personnage principal vont être matérialisées dans le truc. Ça donne des choses absolument atroces à vivre, notamment quand on est poursuivi. Donc il y a une espèce de créature qui s'appelle Pyramid Head, et justement qui m'a fait penser énormément à l'univers de Clive Barker. Et aussi il y a des références marquées à Francis Bacon, le peintre, qui sont vraiment très présentes. Et on parlait de connexion entre le cinéma et le jeu vidéo. Il y a des références qui sont totales aussi à l'échelle de Jacob. Voilà. Et donc Pyramid Head, pour situer pour les gens qui n'ont pas joué, c'est une espèce d'homme très très grand, 2m10, 2m20, une montagne de muscles, à moitié nu, avec une sorte de pagne et un énorme cône de chantier sur la tête. Ça a l'air pas un vrai plot de chantier, hein, parce que là ça fait pas peur du tout. Non, parce que t'as dit pas plot de chantier, ça enlève de la peur. Le mec, c'est un robot. Et en fait, c'était pour vous montrer à quel point, c'est-à-dire que le jeu est tellement bien fait dans son ambiance que cette créature qui, quand on la décrit, n'a pas l'air de faire peur du tout, est le truc le plus terrifiant que vous puissiez croiser dans votre vie, d'autant qu'il est totalement invincible et qu'il va vous poursuivre à longueur de temps. Et on comprend plus tard, sans totalement spoiler le jeu, que lui, c'est une représentation en fait de la culpabilité du personnage principal qui ne fait que le poursuivre. Et c'est ça qui est très fort, c'est qu'on arrive à la fin de Silent Hill 2, c'est éprouvant, c'est difficile comme jeu à finir, que ce soit physiquement parce que c'est un jeu qui est pas simple, mais aujourd'hui encore à jouer, ou moralement parce que c'est un jeu qui plombe l'ambiance tout le temps. Et les différentes fins, en fait, il n'y a pas vraiment de fin heureuse, en fait, quel que soit ce que vous choisissez. Mais voilà, c'est un jeu qui est dur à finir, mais qui a vraiment poussé les limites de ce qu'est le survival horror et qui en a fait quelque chose qui est comment on affronte nos propres peurs physiquement. C'est beau, Carole Quintaine. C'était magnifique. Alors justement, je vais essayer d'être un peu originale. Évidemment, j'aurais cité tout de suite Silent Hill 2 parce que pour moi, c'est un monument. Bah, trop tard. Voilà, un chef-d'œuvre. C'est trop tard. Mais pour toutes les qualités que vous avez déjà évoquées, donc je vais pas en remettre une couche. Mais c'est vrai que le côté psychologique, par exemple, il est souvent comparé. Enfin, la licence Silent Hill est comparée souvent à Resident Evil. C'est ce qu'on disait. C'est pas du tout la même peur. C'est pas le même type de peur. Dans Resident, t'incarnes un soldat. Enfin, Stars. Voilà, tu vois, t'es surarmé, etc. Donc tu te sens pas très vulnérable. Dans Silent Hill, c'est tout le contraire. Il y a ce côté, c'est très malaisant, c'est beaucoup plus psychologique, je dirais plus intelligent dans ses mécaniques de peur. Je vais donc parler d'Outlast. Outlast, c'est beaucoup plus récent et pour moi, c'est l'un des meilleurs survival horror de ces dernières années. Alors, il y a eu le 2 aussi, mais que je trouve un peu moins bon. Mais c'est vrai que Red Barrels, donc c'est le studio qui a développé Outlast, et c'est vrai qu'on se retrouve donc toujours pareil dans la peau de quelqu'un de vulnérable. Je trouve que ça marche très très bien, en fait. C'est une des mécaniques de survival horror que je trouve intéressante. On peut pas se défendre, on a juste une caméra avec laquelle on peut mettre un petit peu de lumière, faut recharger avec des piles, donc t'as cette sensation d'être constamment, non seulement en danger avec tous les ennemis qui te poursuivent, mais aussi parce que tu peux te retrouver dans le noir, et tu dois remettre en marche tout un tas de mécanismes, mais la vraie mécanique, c'est que tu ne peux pas te défendre, tu peux juste te cacher dans des placards, dans des sous des lits, tu fuis finalement, t'es toujours en fuite, et c'est ça que je trouve intéressant comme mécanique de peur, au-delà de l'ambiance qui est vraiment oppressante, c'est vraiment pesant, c'est très malsain aussi Outlast. Le DLC d'ailleurs, Whistleblower, est encore pire, il se finit en 2 heures, hein. C'est des jeux qui sont pas très longs, Outlast il doit faire 5 heures, mais c'est vrai que c'est des jeux où tu es tout le temps sous pression. Voilà, c'est vraiment, tu te sens constamment en danger, et c'est un rythme qui est différent encore des jeux qu'on a cités auparavant, notamment Silent Hill. Et je place un petit mot à propos de... Pour la famille. pour la MIF, tu vois, concernant Project Zero, on en parlait aussi, Fatal Frame, et c'est vrai que c'est un jeu aussi que j'ai beaucoup apprécié. On prend des photos, en fait on ne peut se défendre qu'avec des photos, ouais. Et les pellicules qu'on va trouver, hein, pour charger cet appareil photo vont être plus ou moins efficaces pour se défendre contre des fantômes, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de zombies, morts-vivants, etc., mais les fantômes, moi je trouve que c'est encore plus flippant, c'est encore plus je trouve que c'est encore plus effrayant, et notamment Project Zero 2, qui pose une ambiance dans un vieux village japonais, tu vas incarner 2 sœurs, c'est vraiment ultra effrayant, t'as des angles de caméra pareil, où tu vas ouvrir des portes coulissantes dans des vieilles demeures abandonnées, tu vas te retrouver face à des fantômes, c'est vraiment saisissant, et pour moi c'est aussi l'une des licences qui m'a le plus marqué dans le survival horror. Samuel ? Voilà, c'est vrai que j'ai plein d'idées, mais je vais y aller avec le classique, pour moi c'est Left 4 Dead 2, parce qu'en fait c'est un peu, c'est une Madeleine de Proust pour moi, parce qu'en fait, avec un groupe de potes, après le basket, on allait dans les cybercafés, et même parfois, on embarquait des gens qui savaient pas forcément jouer, on disait, allez, viens, on va s'amuser. Ça s'appelle un enlèvement, ça s'appelle un enlèvement. Ah oui, le kidnapping. Y a pas que moi qui kidnappe, hein, les zombies aussi kidnappent dans ce jeu, hein. D'ailleurs, faut les récupérer, on ne sait où, hein, quand ils meurent. Mais c'était le signe de l'aventure, en fait. Viens, on va survivre ensemble à une apocalypse de zombies, prends cette pelle, prends ce katana, prends ce FAMAS, prends cette bombe bizarre, je sais pas ce qu'elle fait, attention, il y a une witch, attention, il y a un tank. C'était une signe d'une aventure en coopération, on devait s'entraider si on voulait survivre, et encore une fois, qu'importe le niveau de ses amis, et puis parfois aussi on était un peu sadique, il y a les versions Mario Party où on incarnait les zombies, et notre plaisir et notre but était de détruire le plaisir des, parce qu'on peut incarner les zombies, et c'était de créer les zombies et de tuer nos amis, c'est pareil pour moi, mais c'est bien, ça rapproche, voilà, le meilleur et le pire de l'humanité, comme disait Olivier tout à l'heure. J'appelle ça Noël. Depuis le début de cette émission, on parle de survival horror que l'on adore, mais la vie n'est malheureusement pas faite que d'amour, il y en a aussi des jeux que l'on n'aime pas. J'aime pas. Alors attention, grande question, quel est le survival horror que vous avez détesté ? Je peux commencer ? Carole ? Ça va vous surprendre. Resident Evil 5. Non, ça peut-être pas. Voilà, parce que tellement fan, il y avait une pointe de sarcasme, tellement fan justement de Resident Evil et de survival horror que pour moi, alors c'est pas un mauvais jeu. C'est un bon jeu, mais pour moi c'est un jeu d'action. C'est pas un bon Resident Evil. Je trouve qu'il y a pas d'ambiance. Qui a défrayé la chronique aussi, parce que comme les zombies étaient noirs. Exactement. Bah oui, forcément. Donc là, il y a eu beaucoup de discussions. Il y a eu aussi des discussions aussi parce que les zombies prenaient des motos, etc. Oui. Enfin, c'était plus des zombies. De toute façon, c'était plus des infectés. Donc il y a eu un vrai virage. Alors c'était déjà des infectés dans Resident 4, mais Resident 4 c'est un chef-d'œuvre pour moi. Oui. Mais Resident 5, vraiment, je retrouvais plus l'ADN de Resident Evil. Pour moi, ça n'est pas un survival horror. Voilà, c'est un jeu d'action qui est peut-être bon, mais qui est un mauvais Resident Evil et donc un mauvais survival horror. Et c'est vrai que, et pareil pour le 6, pour moi, à un moment donné, Resident Evil s'est perdu après le départ de Shinji Mikami. Heureusement, Resident Evil 7 est revenu à la source. À la source, ouais. Il a ses défauts, mais il est revenu à la source. Mais c'est vrai que Resident 5, c'est même pas un survival horror. Ouais. Je suis assez d'accord. Samuel Cohen ? Alors, moi, ça va être un choix assez facile. Hein. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. C'est Metal Gear Survive. Ou en fait, c'est très simple. Hein. On prend le Fox Engine, un truc qui est capable de faire croire à ton toaster que tu joues à un truc triple A. Tu prends les assets de Metal Gear Solid Phantom Pain, qui est, pour donner une image, c'est un plat, c'est un buffet bien préparé. Bon, il est pas fini, le buffet, mais il est très bon, très beau. Puis t'as Konami qui arrive. Bon, on vire Kojima, on l'empêche de prendre son César de jeu vidéo, et on va mettre une sauce zombie par-dessus, et ça va être un jeu. Et si tu veux avoir une deuxième sauvegarde, faut que tu payes 10 euros. pas très sympa. Mais on est d'accord qu'on est un peu dans, on est un peu dans une escroquerie. Ah, je suis assez d'accord. Oui. Bah, surtout que le jeu, il est pauvre, quoi. Le Phantom Pain. C'est pas un MGS. Ouais. Non, non, c'est, c'était vraiment une arnaque commerciale. C'est, bah, retournez faire vos trucs de casino. Olivier Bénis. Alors, avant que je commence, je vais vous demander de ne pas me frapper avant que je me sois expliqué. Moi, c'est Resident Evil 4. Voilà. Alors, ça va être intéressant. Pourquoi? Ouais, ça nous intéresse de savoir pourquoi. Je trouve que c'est un très bon jeu, et en fait, mais je le déteste parce que je trouve que c'est ce qui porte toute. C'est là qu'il y a les racines de tout ce qui va arriver après. C'est-à-dire que Resident Evil 4, c'est celui qui passe justement un peu au mode action, qui passe un peu en mode tir à la troisième personne. Il n'y a pas tort. Et je trouve que ça cassait un peu tout, et je trouve que à peu près toutes les critiques qu'on peut faire au 5 et au 6 ensuite étaient déjà dans le 4. Non, je peux pas dire ça. Par exemple, le côté. Moi, je sais que ce qui m'a gêné pendant quasiment tout le jeu, c'est le fait qu'on se bat effectivement non plus contre des zombies mais contre des espèces de villageois arriérés dans un truc en Europe, des pays de l'Est, ce qui est quand même méga raciste, mais qui parle espagnol aussi, qui parle espagnol et qui aime pas trop les étrangers chez eux. Non mais t'es en Europe, hein, on reste en Europe. Non mais globalement voilà, c'est un jeu que j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé, enfin je suis allé au bout, je l'ai fini, je l'ai vraiment beaucoup aimé, mais à la fin je me suis dit ah j'espère que le prochain ce sera pas ça du tout, et en fait ils ont complètement continué dans cette voie, ils sont allés plus loin surtout. Donc il y a les curseurs, enfin tout était déjà là dans le 4, c'est les racine du mal, quoi, pour moi. Et voilà, je trouve que c'est ce qui a un peu cassé Resident Evil, avant que le 7 revienne et répare, certes, un peu maladroitement parfois, mais certains trucs... Je t'attends à la sortie. Parce que là, je peux pas rallonger l'émission, mais sinon... J'ai amené mon fusil à pompe. Dédo. Eh ben moi, c'est Resident Evil 2 sur PlayStation. Pourquoi ? Je m'en vais. Là, je me lève. Attends, mais le contexte on est important. On n'est pas venu pour souffrir, Dédo. Okay. Donc, je l'ai acheté Day One en import à l'époque. Donc, ça m'a coûté 500 francs parce que c'était la monnaie actuelle. Et je l'ai fini en, si je me souviens bien, en 7 heures. Ce qui n'est pas du tout en rapport qualité-prix viable. Voilà. Donc, ça, c'est pas possible parce que le problème du 2, c'est qu'il était vraiment beaucoup plus court et surtout qu'on ne découvrait plus les mécaniques du 1. Donc, le fait de quelque part être dans l'apprentissage, ça fait que tu gagnes du temps de jeu malgré tout, même s'il est artificiel. Et le jeu est beaucoup plus court, même si, en fait, on est avec deux personnages qui se séparent à un moment. Du coup, on termine avec le premier personnage. Et moi, dans ma joie enfantine, je me disais, ah, c'est super, je vais avoir droit à un nouveau jeu derrière. Un nouveau jeu qui dure donc sur un parcours peut-être de 15 minutes avec des nouveaux décors, une nouvelle mini-trame, et après on repart sur la même chose. Donc non, je n'étais pas d'accord, j'en ai un souvenir vraiment très triste, et à un moment il y a un crocodile géant et j'étais là, ben non, j'ai pas envie d'un crocodile géant en boss de fin de niveau gratuitement, mais pas un crocodile géant, on reste sur des trucs inhérents au genre. Non, mais je suis alors, je pense que là on va énerver pas mal d'auditeurs, mais il n'y a aucune raison pour que je calme le jeu, parce que moi le jeu qui m'a le plus énervé, c'est pas vraiment un survival horror, mais il y a quand même eu cette idée de zombie ou de vie après la mort, c'est Sekiro. Attention, Sekiro est un jeu extrêmement bien réalisé. Oui. Ça n'est pas la difficulté qui m'a énervé, loin de là. J'aime ça. C'est juste vraiment dans l'histoire même du jeu, c'est-à-dire qu'on est censé incarner un samouraï élu, donc qui revient à la vie et qui doit être le garde du corps d'un enfant important. Et en fait, moi jusque-là, j'étais vraiment ravi. Mais assez rapidement, dans les mécaniques du jeu, on se rend compte que on a absolument aucun droit à l'erreur et que le moindre troufion de base peut tuer ce samouraï élu. Donc moi, dans ma tête, il y a une sorte de division. Je me suis dit, mais attendez, si cet enfant choisit un élu qui me montre pourquoi, vu que là, vraisemblablement, le moindre soldat de cet univers est plus fort que lui. Donc, choisis un autre soldat, il est nul. C'est une destinée. Et, la réponse internet, c'est « deviens bon, get good ». Oui, mais en fait, voilà, au bout d'un moment, je me disais, mais non, par exemple, les jeux comme Devil May Cry sont des jeux où il faut aussi devenir bon, il n'y a aucun problème, mais on sent déjà, dès le début, que le personnage a effectivement en lui ce potentiel pour devenir quelque chose de plus important. Puis tu peux avancer en plus. On peut avancer. Dans Sekiro, quand un simple soldat ridicule avec un tout petit chapeau de paille me malmène, je me dis, moi je suis l'enfant et qui doit choisir un garde du corps, je dis, bah, choisis lui, il a l'air beaucoup plus fiable. Et dès le début, il a l'air... Voilà, donc c'était juste pour ça, c'était au niveau dramaturgique, j'ai eu un problème avec la mythologie interne à Sekiro. Et pour ceux qui ont aimé Sekiro, je conseille le manga Lone Wolf and Cub, ou l'adaptation cinématographique s'appelle Baby Cart. Voilà, où il y a des filiations évidentes entre ça, qui qui sont vraiment deux grands monuments, que ce soit dans la bande dessinée, soit dans le cinéma asiatique. Vous allez prendre votre pied si vous avez aimé Sekiro. Et d'ailleurs, si jamais vous aimez Baby Cart, vous pouvez regarder Le Mandalorian, qui a une filiation évidente avec Baby Cart. Et donc, si vous aimez Le Mandalorian, il y a une petite série de films qui s'appelle Star Wars. Il paraît que c'est pas mal. Alors, au niveau du... là, on parle Survival Horror, mais il y a aussi... il y a aussi, moi, un jeu qu'on n'a pas cité, mais qui échappe peut-être à la définition du survival horror avec des zombies, mais que j'avais trouvé excellent, c'est Dead Space. Ah oui, bien sûr. Oh, bah bien sûr. Dead Space, qui était une grande réussite en station orbitale, comme ça, avec des monstres, un équipage qui était devenu des sortes de mutants. Et je l'avais vraiment trouvé extrêmement efficace. Et je suis étonné, d'ailleurs, qu'ils n'en aient pas fait d'autres. Très grande série. Il y en a trois. Le 3 a moins bien marché, je crois. Et oui. Du coup, ça a un peu mis de côté la franchise. Voilà, mais le premier, c'est vrai que c'était juste, même le 2, hein. Enfin, ça fait partie des monuments du survival horror, avec une véritable ambiance, justement dans l'espace, ça crée une espèce de sentiment de solitude, ouais, et de confinement, exactement, et de confinement qu'on a aussi, je me permets de citer Alien Isolation, bien sûr, très bon, terrifiant aussi pour les mêmes raisons. Et qui est très bon sur la Switch. Alors j'ai pas testé sur la Switch, alors ça rend bien. Ben, en fait, la version Switch, j'ai même lu qu'elle était meilleure que les autres versions. Et effectivement, moi j'y ai joué en nomade, enfin la qualité des écrans est hyper agréable. En plus, à jouer au casque comme ça, même dans les transports en commun. Alors, pour peu qu'il y ait une grève, vous êtes écrasé contre les autres et vous avez vraiment l'impression d'être entouré par des aliens. Vraiment, je conseille. Alien Isolation. On parlait de ce qui fait le survival horror, ce qui fait d'intérêt, c'est le sentiment de faiblesse. Et Alien Isolation, je trouve, réussissait à apporter une pierre de plus à ça, c'est que c'était pas juste vous êtes dans un contexte compliqué face à une créature. La créature en fait était gérée par est toujours d'ailleurs gérée par une intelligence artificielle dans le jeu, ce qui fait qu'elle ne fera jamais deux fois la même chose. Ouais, c'est ça. Et que vous êtes de l'autre côté, non seulement vous n'avez pas beaucoup d'armes, vous pouvez pas vous défendre contre elle, mais en plus, même le fait de vous cacher ou d'essayer de l'éviter, enfin vous allez essayer d'élaborer des stratégies pour essayer de savoir ce qui se passe dans la tête d'un ordinateur en fait qui joue l'alien à votre place. Et c'est très très difficile, et surtout voilà, encore une fois, ça ne marchera jamais. Enfin, la même technique ne marchera jamais deux fois, donc c'est atroce à vivre. Si vous êtes caché dans un placard, en train de retenir votre respiration, c'est ça, ouais. Vous vous dites, il y a une chance sur deux que ça suffise pas et qu'il me trouve quand même. Ouais, et surtout, il le voit la plupart du temps. On voit l'alien déambuler, regarder, flairer la porte de l'armoire, et c'est assez impressionnant en termes de mise en scène. Et si vous avez l'occasion de le tester en VR, c'est un step supplémentaire. Oh. Où là, vraiment, en immersion VR, c'est totale. Virtuel. Oui, tout à fait. Voilà, parce que là, il y a peut-être des. Pardon, gens... excusez-moi. Donc, oui, effectivement, des casques virtuels qui fait que l'immersion est troublante parce qu'on est vraiment à l'intérieur du vaisseau et on est d'autant plus flippé. Et le VR a cette puissance que si jamais vous avez un chat et qu'il vous effleure, vous pouvez faire une crise cardiaque gratuite. Et ça, c'est quand même quelque chose d'agréable. Sans compter que le jeu est magnifique. Il est splendide et très, très, c'est très, très fidèle en plus à Alien, hein, les environnements, l'ambiance, etc. Puisque tu incarnes la fille de Ripley. Voilà. Et c'est vraiment génial. Super, super jeu. J'irais même jusqu'à dire que pour moi, il frôle la qualité d'un Dead Space. Si ces traductions sont correctes, les forces des enfers pourraient déjà être en chemin. Il faut prévenir le monde de l'arrivée des ténèbres. Voilà le premier signe. Alors des zombies, on en trouve dans les survival horror, mais on en trouve aussi dans énormément d'autres jeux vidéo, et notamment Diablo. Et là, on vient d'entendre la bonne annonce de Diablo 3. Donc Samuel Cohen, je crois que Diablo, c'est un jeu qui vous parle. Ah, mais grand fan des jeux bizarres en général, qui ont toujours une VF excellente, comme vous l'avez montré dès à présent. Et c'est vrai que Diablo et le morbide et le sanglant, ça y connaît bien en fait. Là, en fait, ce qu'on entend, c'est le début de la scène où une espèce de comète tombe sur Tristram. Et après la chute de cette comète, on ne sait comment, des morts-vivants remontent à la surface pour assaillir ses habitants. Nous, le héros, notre mission, c'est d'entrer dans les caveaux et de détruire et de comprendre la source de ces morts-vivants. Et je trouve d'ailleurs... Et de ramasser des tonnes et des tonnes de loot, des tonnes d'équipements qu'on peut... On veut du loot. Diablo, c'est ça. Hein, c'est vraiment gestion de ton équipement jusqu'au bout. Mais effectivement, avec des zombies, des monstres, un bestiaire incroyable... avec cette idée du paradis qui se bat avec les enfers. Mais d'ailleurs, est-ce que je peux un peu spoiler et dire quelle est la source de ces morts vivants? Parce sûr. Que la source est assez intéressante. En fait, on apprend, après avoir battu le roi squelette Léoric, qu'en fait, la source de ces morts vivants était un ange déchu. Et pas n'importe quel ange, un ange très connu, Tyrael, l'ange de la justice. Et qu'est-ce qui a relevé ces morts vivants? on en parle encore de l'humanité, c'est l'injustice d'être mort. Voilà, on va vous... Ah. Vous avez 3 heures. Vous avez 3 heures, on va récupérer les copies. Thèse, antithèse. Pour ceux qui doutent de la puissance narrative de certains jeux vidéo, je pense qu'on en a fait la preuve. C'est quand même pas trop mal, des fois. C'est mais même très souvent. Bah, bien sûr. Et d'ailleurs, on parle de zombies, on parle d'ambiance, de survival horror, mais moi, il y a un jeu qui m'a mis mal à l'aise et qui m'a même fait peur, et pourtant qui est dégagé des règles du survival horror, c'est Catherine, Full Body, c'est-à-dire un jeu de puzzle, voilà, où on monte comme ça sur des obstacles, et c'est une histoire basique d'infidélité d'un homme qui doit faire le choix comme ça entre la fiancée avec qui il est, et puis une jeune fille qu'il vient de rencontrer, et puis une autre, et c'est sur la culpabilité de l'infidélité, et c'est un jeu qui est terrifiant, en fait. Oui, bah c'est comme dans Silent Hill, on est sur la représentation matérielle des peurs et des angoisses d'un personnage, et là, voilà, en l'espèce, l'infidélité, ça va beaucoup plus loin, c'est qu'au début, c'est l'infidélité, puis c'est la peur de devenir père, puis c'est la peur de l'engagement, enfin, voilà. Et tout ça est représenté de manière, donc, il y a un moment, une mariée géante qui vous poursuit avec un couteau, un bébé qui hurle en vous poursuivant. Et voilà. Et c'est un jeu, donc, de puzzle, en fait, à la base, puisqu'il s'agit juste de pousser des blocs pour aller le plus haut possible. Mais effectivement, c'est terriblement terrifiant. C'est très malaisant. C'est un univers et aussi une manière de sonder la psyché humaine que l'on retrouve dans Persona. Oui. Parce que voilà, le royaume des Persona, jeu de rôle japonais, où on donne à des étudiants japonais la possibilité d'aller dans un monde inversé, une sorte de monde qui se situe dans les limbes et dans lequel Memento. Voilà, ces névroses que l'on peut avoir ont donné forme à des créatures, à des personas qui sont la quintessence de tout ce qui cloche dans l'âme humaine. Et ça aussi, voilà, c'est quelque chose que le survival horror, en termes de psychanalyse vidéoludique, ça se pose là. Pardon. Mais non, mais je t'en prie. Non, je voulais dire sur le sujet de la représentation de la psyché aussi, on a The Evil Within, de Shinji Mikami, donc qui est le mec qui a créé les Resident Evil au départ et qui est parti sur. Qui a commencé en fait en présentant ça au début quand il est arrivé en disant oui c'est un peu comme Resident Evil, vous allez voir il y a des monstres et tout. Ah oui, un peu oui. Et en fait ça, enfin au bout d'un moment au niveau scénaristique en tout cas ça part sur complètement autre chose. Bah, il est barré, Mikami. Ah oui, on s'en rend bien compte que ce garçon ne va pas bien, déjà, globalement, depuis 1996, voire bien avant. Non, après, The Evil Within, c'est vraiment un hommage à Resident 4. Exactement, oui, pour le coup. Mais j'ai préféré, du coup. Tu as préféré. Oh là là, c'est pas possible. Resident Evil 4, mais t'aimes le mal dedans. Mais complètement, parce que c'est vraiment un hommage. Mais je voudrais juste une petite parenthèse pour dire, effectivement, que le côté psychologique, la peur psychologique, ça donne énormément de relief au survival horror. Par exemple, je pense à un jeu qui s'appelle, alors on parlait de Silent Hill, mais j'ai joué un jeu récemment qui s'appelle God Basement, qui est un petit jeu qu'on peut trouver sur Steam, où on va jouer donc le rôle d'un jeune homme finalement, alors je veux pas spoiler, mais qui a tué quelqu'un d'un membre de sa famille, et en fait tout va, on ne le sait pas, on est un petit peu fou, on a un narrateur qui va nous diriger tout au long du jeu, on a des portions en fait du jeu qui vont s'ouvrir au fur et à mesure, ce sont des énigmes, mais qui sont vraiment diffusées dans une lecture de l'environnement. Je trouve que le jeu est vraiment brillant et pareil, ça joue vraiment sur ta psychologie. T'as l'impression de devenir malade. En fait, le jeu te malmène. Tu es vraiment psychologiquement, tu es secoué dans tous les sens. Et je trouve que ça ajoute vraiment un intérêt aux mécaniques au-delà de l'ambiance. C'est sur Steam uniquement sur PC ? Alors c'est, je crois qu'il est sorti que sur Steam. Ouais. Je crois qu'il est que sur Steam. Il faudrait vérifier. Bah c'est vrai que la santé mentale a une certaine place dans les jeux de survie, dans les jeux d'horreur, même parfois dans les jeux de rôle comme l'appel de Cthulhu. Et moi, ça me fait penser à un jeu vidéo que j'aime beaucoup qui s'appelle Don't Starve. Je sais pas si vous connaissez. Oui, bien sûr. Oui, voilà, qui est un jeu adorable fait par Cledo, je sais plus, mais tout dessiné à la main dans un monde un peu à la Tim Burton. Il est visuellement adorable parce que sinon sur le fond, c'est démoniaque. Ouais. Moi, je me souviens, j'étais avec mon pote, je découvrais le jeu, bon, il me guidait complètement, il faisait presque tout à ma place. Il dit bon, tu peux surveiller le feu, s'il te plaît. Ouais, t'inquiète, pas de souci. Puis tout d'un coup, je vois des monstres qui apparaissent, moi je suis tout seul dans le noir, et il y a une main qui apparaît comme ça, et dit, il y a une main, qu'est-ce que je fais, elle est en train d'éteindre le feu, marche dessus. Terrifiant. Et puis en plus, généralement, quand on est passé dans la cuisine et qu'on est dans notre espace-temps en train de faire des pâtes ou tout ça, on n'est pas dans le même délire. Non, mais non. C'est normal, fais-lui peur. Fais peur à la mort. C'est ça. Et pour conclure sur la peur psychologique, il y a un jeu sur GameCube qui gère de manière merveilleuse ça, qui s'appelle Eternal Darkness, qui est très Lovecraftien pour le coup, et où justement on est complètement là-dedans, c'est-à-dire qu'on doit gérer une barre de folie qui ne doit pas monter parce que sinon on devient soi-même fou, et il y a des ressorts narratifs qui ont été très malins, dont un dont je me souviens vraiment en particulier, où à un moment je joue une partie de tout à fait normalement, et d'un coup il y a l'écran devient noir et on revient à l'écran titre. Et vraiment, j'étais là, non, alors quoi ? Ça a bugué ? Qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, au bout de 10 secondes, l'écran se défige et on revient dans le jeu. Et bah, ça, en termes de sensation, de peur, perdre une sauvegarde et vraiment se dire que la partie, on va devoir la recommencer, je pense que pour chaque vidéo gamer, c'est la peur ultime. Donc, ça, c'est très bien géré. Mais il y a un jeu vidéo qui a très très bien fait. Ça, c'est la fin de Undertale. J'en dis pas plus, mais je pense que. Je peux ouvrir une dernière parenthèse simplement. On pouvait pas parler de Survival Horror sans parler de la démo Pity. Oui, ce qui aurait dû être la suite de Silent Hill. De Silent Hill. J'espère Kojima a teasé, il a commencé à dire qu'il allait revenir sur du Survival Horror. J'espère qu'on va avoir une annonce de la suite. Mais d'ailleurs, ce qui a permis la création de Death Stranding. Mais complètement, qui est un excellent jeu, qui n'est pas un Survival Horror, mais néanmoins, pour moi, c'est un chef d'œuvre. C'est un jeu de survie, voilà. Mais je dirais pas que ça fait peur. C'est vrai que cette démo de Pity. Avec les égarés, quand même. Il y a plein de trucs qui font peur. Mais cette démo de Pity a été un vrai fantasme, parce que, encore une fois, cette connexion avec le cinéma était totalement présente. Du fait qu'il voulait collaborer avec Guillermo del Toro, qui est un des très grands faiseurs justement dans le cinéma de genre, et que cette alliance-là aurait pu donner, je pense, scénaristiquement et en termes de jeu, quelque chose de jamais vu. Donc j'espère que ça ne restera pas à l'état de fantasme et que ça pourra peut-être se réenclencher un moment. On va tous convoquer. Guillermo, si tu nous entends, dépêche-toi. Guillermo, Hideo Kojima, s'il vous plaît, remettez-vous au travail. Voilà. Dedo, Carole Quinten, Olivier Bénis, Samuel Cohen, je vous remercie. Cette émission touche à sa fin. Comme toujours, si vous le désirez, vous pouvez nous laisser un message au 01 56 40 30 20 ou sur la page Facebook de l'émission et également Twitter avec le hashtag BlockbusterEFI. Et on se retrouve très très vite sur France Inter. Merde. Tu sais ce que ça veut dire ? Ouais. C'est l'heure du dîner. Blockbuster est un podcast original de France Inter.